بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On arrive maintenant à notre cours 19 dans المُلَخَّص الفقهي de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est toujours dans كتاب الطلاق, le chapitre au sujet du divorce. Et on arrive en particulier maintenant dans باب في الرجعة. Raja'a, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a prononcé le divorce, hein, lorsque quelqu'un a prononcé le divorce, une fois que la femme est dans sa période idda, il a le droit de la reprendre. Hein, il a le droit de la reprendre. Et le fait de reprendre la femme pendant la période idda, on appelle ça en arabe raja'a. Et on va expliquer donc les conditions et les règles qui sont reliées à cette question-là. Mais avant de rentrer dans le sujet, je voudrais juste en même temps clarifier une question par rapport à un frère qui m'a posé ça au dernier cours, au sujet de, du fait de rattacher le divorce à une condition ou à une... Hein, on a parlé de ça au dernier cours, quelqu'un qui raccroche le, qui rattache le divorce à une condition. Qui dit si, par exemple, il dit à sa femme, si tu fais telle chose, eh ben, tu vas être divorcé. Et que la femme, elle le fait, donc ça compte. Et quelqu'un va poser la question, est-ce que quelqu'un peut revenir de ça? S'il a, il a accroché ou rattaché le divorce à une condition, est-ce qu'il peut sortir de cette condition-là si, et comment il doit faire? Et j'ai posé la question à un parmi les machaires et puis il m'a répondu en disant que la façon dont il revient de ça, il dit à sa femme, j'annule le divorce que j'avais attaché à la condition, hein, à cette condition, donc j'annule ça. Et du moment qu'il mentionne ça à sa femme, donc ça veut dire que la condition, le divorce, parce que du moment que la condition était pas, c'est, ne s'était pas produite, donc le divorce n'a pas eu lieu. Donc s'il dit j'annule cette condition que j'avais mis attachée au divorce, alors donc, dans ce cas-là, c'est annulé. Ça veut dire que même si elle va le faire, elle va faire la condition, ça ne va pas avoir aucun effet parce que ça a été annulé. Ah, ben si c'était après, ben une fois que c'est déjà... que ça s'est déjà produit, il ne peut plus, pas l'annuler une fois que c'est arrivé. Il fallait qu'il l'annule avant que ça se produise. Naam. Bon, pour commencer maintenant par rapport à Al-Raj'a, le Cheikh Al-Fawzan il dit Al-Raj'a, i'adatu mutallaqatin ghayra ba'inin ila ma kanat alayhi bi ghayri aqd. Wa daliluha al-kitab al-sunna wa ijma' ahli al-ilm. Donc la définition qui est donnée à propos de Raja'a, c'est de reprendre une femme qui a été divorcée, mais qui n'a pas été divorcée de manière définitive ou séparée complètement, parce qu'il n'y a pas eu trois divorces. Hein. C'est ça. Elle revient à l'état d'épouse. Comme elle était avant que le divorce ait été prononcé, sans avoir à faire un nouveau contrat de mariage. Donc c'est comme si, yani, la femme qui est dans sa idda, il la reprend. Donc ça, c'est ce qu'on appelle raja'a. Et la preuve que ça s'est légiféré, c'est dans le Coran, dans la Sunna et le consensus des ulama. Ensuite, il explique chacune de ces preuves-là individuellement ou bien chacune un après l'autre. Donc, il commence par les preuves du Coran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 228 dans Surat al-Baqarah, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Et le verset 2 dans sourate الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فرقوهن بمعروف. Donc les trois versets que le cheikh a mentionnés au sujet de cette question. Le premier, c'est le verset 228 dans Sourate Al-Baqarah. Donc on va lire la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset là, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi, donc il dit wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Donc il dit, et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. D'accord? Donc ils auront le droit de la reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Le deuxième verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset qui vient juste après, At-talaq marratan, le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors c'est soit la reprise conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse. Et l'autre verset qu'il a mentionné par la suite, hein, parce que quand il dit At-talaq marratan, c'est-à-dire il peut divorcer deux fois, mais s'il prononce la troisième fois, après ça, il ne pourra plus la reprendre. Hein. Et l'autre verset, c'est un verset dans Surat At-Talaq. Le titre de la Surat, c'est At-Talaq, donc c'est le divorce. Et le sujet de la Surat, ça tourne autour de cette question. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَرِّقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ » qui signifie c'est ça. Et puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d'elles de façon convenable. Donc dans les deux cas, il faut que ce soit fait de façon bil ma'ruf, de la manière qui est connue, qui est bonne, avec la bienséance, comme on dit, la bonne façon. Et le cheikh, il mentionne des preuves de la sunna. Amma sunna, fafi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi qadiyati ibn Umar, murhu falyuraji'aha, wa tallaqa al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hafsa, thumma raja'aha. Le cheikh, il explique que dans la sunna, la preuve qu'il y a raja'a, il y a beaucoup de preuves, mais là il a mentionné juste deux exemples, l'histoire de Ibn Umar. Ibn Umar radiyallahu anhu, qui avait divorcé sa femme pendant ses règles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été très fâché de ça, parce que c'est contraire à la sunna. Et il a dit à son père, Umar ibn al-Khattab, dis-lui, c'est-à-dire à ton fils, Abdullah ibn Umar, ordonne-lui de la reprendre. Hein? Et donc, c'est ça. Il a dit, ordonne-lui de la reprendre. فَلْيُرَاجِعْهَا. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans également, qu'est-ce que le cheikh, il mentionne aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé Hafsa, la fille de Umar, radiyallahu anhuma, et après il l'a reprise par la suite. Et ça aussi c'est rapporté par plusieurs narrateurs, Abu Dawood, An-Nasa'i, Ibn Majah, dans les chapitres du divorce. وأما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إذا طلق دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة. Donc ici le cheikh il mentionne que selon le consensus, et le consensus a été rapporté ici par Ibn al-Munzir, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Ijma'. Dedans, il mentionne les consensus des ulama. Et donc, parmi les cas, il a mentionné ce cas-là, qui est que les ulama sont tous d'accord sur le fait que la personne qui est libre, elle a, si elle a divorcé moins que trois fois, et la même chose pour l'esclave, sauf que lui, il a seulement le droit de divorcer deux fois. Donc s'il a divorcé moins que deux fois, eh bien il peut reprendre sa femme tant qu'elle est dans l'aïd. D'accord? Donc ça c'est rapporté dans le livre Al-Ijma' de Ibn al-Munzir. Tu voulais dire quelque chose? Non. S'il a prononcé le divorce une fois, puis qu'il la reprend pendant la idda, ça va compter pour un. Même, non, s'il la reprend, parce qu'une fois qu'il la prend, en fait, le nombre de fois, quand on dit trois fois, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il peut prononcer le divorce, c'est pas le nombre de fois c'est-à-dire, par exemple, c'est ça. C'est-à-dire, si tant qu'il est dans la idda, il peut la reprendre, mais ça va quand même compter pour un. C'est pour ça qu'il a juste trois fois. Parce que si à chaque fois qu'il prononçait le divorce ça, et qu'il la reprenait, ça redevenait un, eh bien, dans ce cas-là, ça n'arriverait jamais à trois. Donc, il n'y aurait pas de... Ça n'aurait pas l'effet voulu. Oui, c'est ça. Donc, à chaque fois qu'il va prononcer le divorce et qu'il va reprendre sa femme, ça lui enlève une possibilité de divorcer. C'est ça. Et en fait, bon, c'est une comparaison un peu bizarre, mais c'est comme je sais pas, vous connaissez le baseball? Bon, le lanceur, il lance, il a trois chances pour frapper, hein. Et après trois, il est éliminé, hein, il est out. Bon, three strikes, you're out. Donc, le divorce, c'est trois fois. C'est comme, tu as prononcé le divorce une fois, alors là, tu as la période de idda pour réfléchir, pour revenir sur ta position et corriger ça. Donc, tu as des remords, tu as dit, ah, mais finalement, pourquoi j'ai prononcé divorce, j'aurais pas dû, j'aime ma femme, je veux rester avec elle, et tu t'es réconcilié avec elle. Donc, tu retournes avec elle, tu la reprends, tu dis, ok, je te reprends. Alors, là, si tu la divorces une deuxième fois, hein, encore une fois, tu auras une période de 3 mois pour réfléchir, pour voir s'il n'y a pas moyen de réconciliation. Donc, et là, si tu l'as reprise encore une deuxième fois, là, ça veut dire que il te restait deux fois. Maintenant, il te restera juste une. Si tu prononces le divorce encore une fois, alors là, tu pourras plus la reprendre par la suite. C'est pour ça que Allah il dit dans le verset, At-talaq marratan. D'accord. Et Ar-Raj'a donc. Le cheikh il explique ensuite, il dit والحكمة في ذلك إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته فيجد الباب مفتوحا أمامه وهذا من رحمة الله بعباده. Donc la sagesse de Raj'a justement, du fait qu'il puisse la reprendre sa femme pendant cette période de idda, c'est pour justement donner une période de réflexion au couple, au mari et à sa femme, pour qu'il revienne sur lui-même et qu'il, s'il a des remords d'avoir prononcé le divorce, eh bien il peut se reprendre et reprendre la vie conjugal avec sa femme, il trouve la porte ouverte devant lui et ça fait partie de la miséricorde d'Allah pour ses serviteurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prononcer le divorce trois fois d'un seul coup. Parce que si la personne est divorce et elle prononce trois fois le divorce au même moment, eh bien c'est comme si la porte elle était ouverte pour lui et là il vient de se la fermer d'un seul coup parce qu'il ne peut plus la reprendre par la suite. Hein? Donc il faut ne pas dépasser les règles de la charia à cause de ça. Allah t'a fait miséricorde, alors pourquoi tu la fermes? Peut-être que toi tu dis au moment où tu es fâché ou tu es en colère, tu dis je prononce trois fois parce que de toute façon je veux plus la reprendre, je veux plus rester avec elle, je veux plus rien savoir. Tu dis ça à ce moment-là parce que t'es fâché, tu penses ça. Mais après, tu réfléchis quelques semaines après, quelques mois après, tu dis, finalement, pourquoi je la divorce? J'étais bien avec elle. Elle a des défauts, mais quand même, elle a des qualités aussi. Et là, tu commences à te remettre en question, puis là, tu regrettes. Eh bien, là, il est trop tard maintenant. Hein? C'est ça le problème. Et ensuite, le cheikh, il dit, وَأَمَّا شُرُوطْ سِحَّةَ الرَّجْعَةِ فهي ستة ستة شروط. Le cheikh il a mentionné 6 conditions pour que الرجعة soit valide, pour que ça compte, pour que ce soit correct. Voici les 6 conditions. أولا أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد بأن طلق حر دون ثلاث وعبد دون اثنتين فإن استوفى ما يملك من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. Donc la première condition, c'est qu'il faut que le nombre de divorces, ou il faut que le divorce soit un nombre moins que le nombre de divorces qu'il possède. Si c'est une personne libre, il faut que ce soit moins que 3. Et si c'est une personne esclave, il faut que ce soit moins que 2. Et si il a déjà, disons, dépassé ou utilisé le nombre de talaq qu'il possède déjà, eh bien, il n'aura plus le droit de la reprendre jusqu'à ce qu'elle ait épousé un autre homme, autre que lui. Deuxièmement, الشرط الثاني أو ثانيا أن تكون المطلقة مدخولا بها فإن طلقها قبل الدخول فليس له رجعة لأنها لا عدة عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. Donc la deuxième condition, c'est que cette femme que tu as prononcé son divorce, il faut que ce soit une femme avec qui tu as eu la consommation du mariage. S'il n'y a pas eu la consommation du mariage et que tu l'as divorcée avant d'avoir consommé avec elle le mariage et avant de t'être isolé avec elle, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de raja'a. Hein? Il n'y a pas de, pourquoi? Parce que la femme avec laquelle tu n'as pas consommé le mariage, tu t'es pas isolé avec elle, elle n'a pas d'idda à respecter. Et ça, c'est mentionné dans le verset 49 dans Surat Al-Ahzab. Et je vais vous lire la traduction de ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit là-dedans, dans ce verset, ce qui signifie: ô vous qui croyez, quand vous mariez des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, c'est-à-dire avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente, c'est-à-dire elles n'ont pas d'idda. Donnez-leur donc leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Hein? Et ensuite la troisième condition, الشرط الثالث أن يكون الطلاق بلا عوض فإن كان على عوض فلا تحل له إلا بعد عقد جديد برضاها لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة. Donc il faut comme troisième condition que le divorce n'ait pas été fait avec un échange ou une compensation. C'est-à-dire que l'homme ne l'a pas divorcé en échange d'une compensation en retour. Comme par exemple lorsque la femme elle demande un khul'. Hein? Quand elle demande le khul', une fois que le mari l'a divorcé en échange d'une compensation, hein, eh bien à ce moment-là, il ne pourra pas la remarier excepté avec un nouveau contrat de mariage. D'accord? Parce que la femme, étant donné qu'elle a donné une compensation pour se libérer de cet homme-là, eh bien, si l'homme avait malgré tout le droit de la reprendre, eh bien, le but d'avoir donné une compensation pour se libérer de cet homme-là n'aurait pas de sens. Hein? Donc, si le divorce a été donné, a été fait avec une compensation, eh bien l'homme n'a pas le droit de la reprendre à ce moment-là. Il doit faire un nouveau mariage s'il veut se remarier avec elle, si elle, elle est satisfaite et d'accord de ça. Rabi'an, la quatrième condition, an yakuna an nikahu sahihan. Amma in talaqa fi nikahin fasid falaysa lahu raj'ah li'annaha tabinu bit talaq. Donc le cheikh il dit que comme quatrième condition, il faut que le mariage à la base ait été un mariage qui est valide. Si c'était un mariage qui est invalide, hein, ou corrompu, c'est-à-dire qui ne respecte pas les conditions, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de retour. Il ne peut pas la reprendre. Parce que par ce divorce-là, elle est séparée d'une séparation complète. Cinquième condition, أن تكون الرجعة في العدة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي يعني أولى برجعتهن في حالة العدة. Donc il dit que la cinquième condition c'est que lorsqu'il la reprend, il faut que ce soit pendant la عدة. Si sa عدة est terminée, hein, c'est la période de 3 menstrues, hein, donc 3 mois. Donc si la idda est terminée, eh bien dans ce cas-là, il peut plus la reprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset du Coran 228 dans sourate Al-Baqara, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika, c'est-à-dire leur époux mérite plus de les reprendre, de pouvoir les reprendre fi dhalika, c'est-à-dire dans cette période. Lorsque c'est dans la période d'Idda. Et ça veut dire que si la période d'Idda est finie, il ne peut plus la reprendre. Il faut qu'il fasse un nouveau contrat de mariage par la suite. Et une chose aussi que le cheikh il va mentionner plus tard aussi, c'est que si par exemple il la reprend, il a divorcé une fois et que la Idda est terminée et qu'il veut la remarier, eh bien, quand il va la remarier, eh bien, il va la remarier avec le nombre de divorces qui lui reste. Ça ne revient pas à zéro. D'accord? Donc, s'il avait divorcé une fois, eh bien, si la idda était finie et qu'il se remarie à nouveau, avec un nouveau contrat avec elle, mais il retourne avec elle, il lui reste 2 divorces, pas 3. Hein? Pourquoi? Parce que il y en a un qui avait déjà été utilisé. Tandis que s'il avait divorcé 3 fois, puis qu'il s'était séparé d'elle et qu'elle s'était remariée avec un autre homme, puis que lui, il décide par la suite, une fois que cet homme-là l'a divorcé, de la reprendre, là, il retourne à zéro. D'accord? Parce que il a été séparé d'elle complètement. Et là, s'il la remarie, eh bien, ça retourne à zéro dans ce cas-là. Après, la condition numéro 6, أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة كما لو قال إذا حصل كذا فقد رجعتك. Donc ça, c'est un exemple qu'on n'a pas le droit de rattacher la raj'a a une condition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire avec la raj'a de la même manière qu'on fait avec le divorce, de rattacher le divorce à une condition. Ça, on peut rattacher le divorce à une condition, mais on ne peut pas rattacher raj'a avec une condition. Donc par exemple, il faut que tu la reprennes directement et non pas que tu l'attaches à une condition, comme si tu dis si telle chose se produit je te reprends. Non, il faut que tu la reprennes. Soit tu la reprends, soit tu la reprends pas. Que tu la reprends pas, tu vas pas rattacher ça à une condition. Il dit wa hal yashtaritu an yaqsud az-zawjan bir-raj'a al-islah. Qala ba'd al-ulama yashtaritu dhalik li'anna Allah qala in aradu islaha. Wa qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah la yumkin min ar-raj'a aw la yumakkan min ar-raj'a illa in arada islaha وإمساكا بمعروف. وقال بعض الآخر لا يشترط ذلك لأن الآية إنما تدل على التحضيد على الإصلاح والمنع من الإضرار لا على اشتراط ذلك والقول الأول أظهر والله أعلم. Donc le cheikh il pose la question, est-ce que c'est une condition pour que les deux époux reprennent la vie conjugale et que l'homme reprenne sa femme pendant la idda, est-ce que parmi les conditions il faut qu'ils soient d'accord pour se réconcilier, il faut qu'il y ait une réconciliation entre les deux, hein? Et le cheikh il mentionne que certains ulama ont mis ça comme condition pour qu'ils puissent retourner ensemble. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset in aradu islaha, le verset 228, in aradu islaha, si ils veulent tous les deux une réconciliation. Donc s'ils ne veulent pas de réconciliation, pourquoi ils vont retourner ensemble, hein? Ça veut dire que les problèmes vont revenir la même manière qu'ils étaient. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit justement par rapport à ça, ils ne doivent pas être permis de la reprendre, excepté s'il veut une réconciliation, hein, et la reprendre dans le bien, hein, et la traiter de manière correcte, hein, de manière convenable. D'autres ulama ont dit non, c'est pas une condition parce que le verset il incite seulement à faire la réconciliation, donc c'est pas une condition. Et le verset incite la réconciliation et ne pas faire de tort à la femme. Et non pas de prendre ça comme une condition. Mais le Cheikh Al-Fawzan dit, mais la première position est plus apparente, plus claire, hein, qu'il faut qu'il y ait l'intention de se réconcilier pour qu'il puisse reprendre sa femme. Après, le Cheikh, il dit, de quelle manière se produit la raj'a? De quelle façon il reprend sa femme? Comment il doit faire? Et le cheikh, il mentionne qu'il y a deux façons. Hein? Deux façons. Tahsulu raj'a bilafd. Raja'tum ra'ati. Wa nahwi dhalik. Mithlu radattuha wa amsaktuha wa a'adtuha. Wa ma ashbaha dhalik. Donc c'est-à-dire, le mari, il va reprendre sa femme avec une parole. Il va prononcer une parole. Il va dire, par exemple, je reprends ma femme. Ou bien il va dire, hein, je la retourne, ou je la garde, ou je la prends, ou je la... Donc, des paroles dans ce sens-là. D'accord? Et il dit également, وَتَحْصُلُ الرَّجْعَ أَيْضًا بِوَطْئِهَا إِذَا نَوَى بِهِ الرَّجْعَ عَلَى الصَّحِيحِ. Il dit également, on peut considérer qu'il l'a reprise s'il décide d'avoir un rapport intime avec elle. Donc s'il a un rapport sexuel avec elle, ça c'est considéré comme l'ayant repris à ce moment-là. Donc si elle est dans sa idda, s'il a un rapport avec elle pendant sa idda, eh bien ça veut dire qu'il l'a reprise. Et on va expliquer les détails à propos de ça. Il y a des choses que les gens ignorent beaucoup à propos de la période d'Idda et à propos de cette période, qu'est-ce que la femme doit faire, puis Ar-Raj'a, beaucoup de gens ils ignorent les choses comme ça. Donc le cheikh il va les expliquer, vous allez voir. Il dit wa idha raja'aha fa innahu yasunnu an yashhada ala dhalik wa qila yajib al-ishhad liqawlihi ta'ala وأشهدوا ذوي عدل منكم في سورة الطلاق وهو رواية عن الإمام أحمد وقال الشيخ تقي الدين لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال. Donc il dit il faut que s'il la reprend sa femme qu'il prenne des témoins pour leur dire qu'il l'a reprise. Et même certains ulama ont dit il faut absolument, c'est obligatoire qu'ils prennent les témoins pour ça. Hein? Combien de témoins? Donc, dans le verset, ça mentionne deux témoins. Dhawai adlin minkum. Donc, oui, deux témoins hommes, de prendre deux témoins hommes honnêtes, fiables, hein, et justes parmi vous. Ça, c'est le verset 2 dans Surat At-Talaq. Et une des narrations de l'imam Ahmad mentionne ça, et Cheikh Taqiyuddin, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah, il dit, et la raj'a ne va pas être valide s'il la cache. Hein, s'il la cache. Donc, la raison de ça, une des raisons de ça, pourquoi c'est important, c'est parce que s'il la reprend puis il ne le dit pas, hein, après il la divorce encore, hein, les gens ils vont pas comprendre, est-ce qu'il l'a divorcée ou est-ce qu'il l'a reprise ou est-ce qu'il a combien de divorces il reste, ça va pas être clair. Donc s'il divorce, il mentionne ça à des témoins, s'il la reprend, il mentionne ça aussi aux témoins, comme ça on va savoir, et s'il y a un problème au niveau du nombre ou quoi que ce soit par la suite, eh bien il y aura des gens qui pourront témoigner, oui on est au courant, il a divorcé telle fois, il a reprise par la suite à tel moment et ainsi de suite, et oui là, et c'était pendant la idda, c'était pas après, donc il y aura des témoins. Donc ça c'est important, parce qu'il y a des gens, ils prennent pas de témoins, ils divorcent, ils reprennent, ils divorcent, ils reprennent, ils divorcent, ils reprennent, et des fois ça fait comme 4, 5, 6 fois comme ça, et il est plus marié, il a même plus le droit d'être avec cette femme, mais il reste avec elle quand même. Il dit, mais j'ai des enfants avec elle, donc je ne veux pas la laisser, alors qu'il vit dans le zina avec sa femme, hein, c'est pas ça, c'est même plus sa femme. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est pas une excuse pour rester avec une femme qui n'était pas licite, hein. Donc tu avais juste à y réfléchir auparavant, hein. Allah musta'an. Les gens, c'est parce que les gens, ils prennent pas ces choses-là au sérieux, malheureusement, hein. Après, le cheikh il explique, il dit: wal mutallaqa raj'iyya zawjatun ma damat fil 'idda laha ma lil zawjat min nafaqatin wa kiswatin wa maskanin wa 'alayha ma 'ala az-zawja min luzum al-maskan wa tatazayyan lahu لعله يراجعها ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة وله السفر والخلوة بها وله وطؤها. Tu vois, donc la femme qui a la femme, si l'homme il a prononcé le divorce et qu'elle est encore dans l'Idda, elle est considérée encore comme sa femme pendant cette période d'Idda. Et elle a les droits d'une épouse normale, c'est-à-dire que pendant la période de Idda, il doit lui donner son allocation, ses vêtements, le logement, elle doit habiter avec lui, hein. Et elle a les mêmes droits que n'importe quelle autre épouse a, et elle doit rester dans sa maison, elle doit s'en bénir pour lui, pour l'inciter à la reprendre justement. Et si elle meurt, ou si lui il meurt pendant la idda, elle va hériter de lui et lui va hériter d'elle, d'accord. Et il a le droit de voyager avec elle, de rester seul, isolé avec elle, et d'avoir un rapport avec elle, puisque s'il a un rapport avec elle, il va la reprendre, hein. Donc tout ça c'est des choses, beaucoup de musulmans aujourd'hui ils ignorent ça. Quand ils divorcent la femme, ils disent allez va-t'en, hein. Ils la font sortir de la maison, alors qu'elle est supposée de rester pendant sa idda chez son mari, non pas chez ses parents. Si elle est chez ses parents, comment elle va pouvoir faire la réconciliation, hein? Et comment il va pouvoir justement discuter avec elle puis arranger les choses si c'est nécessaire? Ouais, ben ça c'est ça, le point que tu mentionnes là, c'est un point qui existe, c'est vrai. Parce qu'on vit à une époque où souvent au lieu que ce soit la femme qui vienne vivre chez son mari, des fois c'est le contraire, c'est le mari qui va vivre chez sa femme. Et donc quand le mari va vivre chez sa femme, s'il la divorce, hein, eh ben elle dit sors de chez moi, ou des choses comme ça. Alors là c'est ça qui fait que il y a une part des règles de la religion dans ce cas-là qui vont être inversées. Hein, parce qu'elle est chez elle, c'est toi qui vas sortir. Mais encore là, la femme pendant la période d'Idda, elle doit rester avec son mari, mais puisque c'est sa maison, ça devient un petit peu compliqué. Moi personnellement, je ne sais pas les détails des règles, comment ça se passe dans ce cas-là, quand c'est la femme qui est chez elle puis que l'homme il habite chez elle, est-ce que c'est la même chose que quand c'est la femme qui est chez son mari, ou c'est différent, ou est-ce qu'il y a des différences? Allahu a'lam, je ne sais pas. Mais disons que de façon normale, ça devrait être le contraire, que l'homme il devait habiter, la femme devait habiter chez son mari. D'accord. Donc ça c'est des exemples. J'ai vu des cas comme ça ici, surtout il y en a beaucoup. Ouais, ok. Ouais, non, je comprends. Mais si c'est sûr que si les enfants sont petits, ils vont rester avec leur mère. Si les enfants sont plus âgés, ils vont rester avec leur père en principe. Ben, en tout cas, c'est vrai que dans la pratique, des fois, dans la réalité, les choses se passent pas toujours de cette façon-là. Donc, c'est comme on dit, c'est un petit peu plus compliqué parfois. Mais là, bon, c'est comme on dit au cas par cas, comment les gens vont régler leurs problèmes. Ça, c'est différent dans certains pays, comme on dit, à cause des coutumes qui ont pris le dessus sur les règles de la religion, des fois. Mais sinon, l'important, c'est juste de comprendre de façon générale qu'est-ce que c'est les règles en principe dans la charia, comment ça doit se faire selon le Coran et la Sunna. Mais par la suite, si dans certains pays il y a des contradictions à ces règles-là, eh ben c'est de voir comment faire pour réparer ça ou régler ça. C'est ça, parce que le divorce, c'est quelque chose qui est pas bon à la base et qui est découragé. Donc il y a toutes les règles de la charia qui ont été établies dans le but d'encourager la réconciliation. Les gens, quand ils sont en colère ou quand ils sont fâchés ou quand ils sont arrivés au point où ils détestent la personne avec qui ils sont mariés, par exemple, à cause des mauvais comportements, à cause des péchés, à cause de beaucoup d'autres choses, eh bien, ça arrive que la personne, elle dit, non, moi, je veux plus rester une journée de plus avec la personne, je veux même plus la voir, je peux plus la supporter, même la sentir, hein. Voilà, c'est ça. Le professeur Hassan, il a dit, la tardab, al-ghadab, ça fait partie des choses très très dangereuses parfois. Et il y a des crimes et des péchés qui sont commis à cause de ça, à cause de la colère. Parce que quand la personne est en colère, parfois elle fait des choses qu'elle réfléchit pas, hein. Elle réfléchit pas à qu'est-ce qu'elle fait, puis après elle regrette. Donc la colère, c'est très très mauvais. Puis ça devrait, c'est-à-dire, comme on l'a déjà expliqué, les couples musulmans, ils devraient essayer toujours d'agir avec eux, entre eux, de la meilleure façon et du bon comportement, et d'un comportement noble et honorable, et de faire en sorte que même s'il y a des conflits ou de l'adversité, de rester noble, de rester honorable. Comme ça, c'est ça, bil ma'ruf, hein. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. Donc tu vas séparer, mais tu gardes ta noblesse et tu agis comme un homme noble, hein, et elle agit comme une femme noble et comme une femme honorable dans toutes les situations, que ce soit dans l'adversité ou dans la complicité ou dans toutes les situations. C'est sûr que c'est facile à dire, mais c'est des choses qu'on doit faire l'ijtihad. C'est des choses qu'on doit faire l'ijtihad, c'est-à-dire qu'il faut se forcer pour essayer d'être comme ça. Parce que c'est sûr que c'est pas notre premier instinct, hein. C'est pas notre premier instinct d'être comme ça avec quelqu'un qui nous montre des choses que nous on n'aime pas, ou qui agissent avec nous d'une manière qui nous déplaît. Mais c'est quelque chose, on devrait essayer de se forcer à ça. Et des fois il faut pas répondre. La femme elle va dire quelque chose. Tu fais la sourde oreille, tu fais comme si tu n'entends pas. Si tu commences à lui répondre à chaque petit truc qu'elle te dit, ben, c'est ça qui va faire escalader les choses parfois, hein. Elle te dit une chose que tu n'aimes pas, alors toi tu lui réponds une chose qu'elle n'aime pas. Pour lui, elle m'a frappé, je la frappe aussi avec des mots. Et elle va te dire une autre chose plus dure encore. Toi tu vas lui répondre une chose plus dure encore. Et ça, le plus sage des deux, c'est celui qui s'arrête le premier et qui dit non, moi je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là, j'arrête, hein, je me tais. Et puis quand tu commences à comprendre que la chose commence à dégénérer, tu vois que c'est le shaitan qui est en train de mettre l'huile sur le feu. Donc là, tu essaies de calmer l'affaire. Hein? Ala kulli hal, yani, ça c'est des tests, hein? C'est des épreuves de la vie. Et donc, le cheikh, il dit ensuite, donc, lorsqu'il est avec cette femme-là, comme j'ai expliqué, il a le droit de voyager avec elle, rester avec elle. Après, il dit, وَيَنْتَهِ وَقْتُ الرَّجْعَ بِانْتِهَاءِ الْعِدَّةِ إِذَا طَهَرَتْ الرَّجْعِيَّةِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لَمْ تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بِوَلِيٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَلِمَفْهُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها أو عدتها نعم إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه وإذا رجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده. Donc c'est ça, le cheikh il explique, il dit donc le temps de la raj'a, il termine avec la terminaison de la idda. Le temps de la permission de raj'a, il s'arrête et il finit avec la fin de la idda de la femme, et c'est lorsqu'elle s'est purifiée de sa troisième règle, de sa troisième période de menstrue. Donc, à partir de ce moment-là, elle ne sera pas permis, elle sera pas permis pour lui de la reprendre, hein, et elle sera illicite pour lui, excepté si elle s'est remariée avec un mariage nouveau, hein. C'est-à-dire, si elle a terminé sa idda et elle s'est purifiée de la troisième période de menstrue, il pourra pas la marier, la reprendre. Il faudra qu'il fasse un nouveau mariage avec le wali, les deux témoins, comme la première fois qu'il s'est marié avec elle. Et des fois, les awliya, les parents des filles, ils connaissent pas les règles de la sharia. Les awliya, c'est-à-dire les tuteurs des filles ou les parents des filles. Donc le père de la fille, que son mari il a prononcé divorce une fois, et elle a terminé sa idda, elle est là, à partir de cette période-là, elle rentre chez son père ou chez sa famille. Puis là, le mari, il parle avec sa femme, il dit, écoute, je voudrais qu'on se remarie encore. Et là, la femme, elle dit, ok, je suis d'accord. Donc le mari vient voir le père pour demander sa main encore à nouveau, puis le père il comprend rien parce qu'il dit, mais c'est ta femme, comment ça tu viens pour me demander sa main encore une fois, parce qu'ils connaissent pas les règles en fait de la charia. Donc il faut parfois leur expliquer, tu vois, c'est un petit peu compliqué parfois. Ben c'est à dire le fait qu'il se... le fait qu'il le savent pas, c'est pas une excuse pour le rendre valable. Il faut juste lui expliquer au père que dans des situations comme ça, le mariage est terminé, il faut refaire un nouveau mariage. Donc il faut avoir les deux témoins, le wali, le mahar et tout ça. Et là, faire une Walima encore et tout, comme la première fois, hein. Donc là, peut-être le père il va trouver ça étrange, mais il faut lui expliquer que ça c'est comme ça dans la religion, il faut faire les choses comme il faut, hein. Et ouais. Toi tu voulais savoir, est-ce que si la personne elle l'a pas fait puis qu'elle continue à vivre avec la femme, c'est ça, sans avoir fait un nouveau mariage, est-ce que ça va être correct? Ok, toi tu parles par rapport à la personne qui sait pas. Ouais. Ouais, de l'ignorance, ouais. Ouais. Bon, les ulama, ils classifient l'ignorance dans des règles de la charia en deux catégories. L'ignorance qui est comme dans le cas où la personne elle avait aucun moyen de d'apprendre parce que dans son milieu ou dans son entourage il y a personne qui est connaissant de ça et il y a les références et les ressources sont pas disponibles. Dans des cas comme ça, la personne elle fait des choses, peut-être elle fait par ignorance, elle va être excusée parce que l'ignorance fait partie des choses que la charia considère comme étant une excuse pour même que quelqu'un qui fait un péché, il savait pas que c'était un péché, il est même pas considéré comme un pécheur dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il savait même pas. Hein? Mais c'est dans le cas de la personne qui n'a pas les connaissances à portée de la main. Il n'a pas les références disponible autour de lui pour avoir la connaissance de ces choses-là. Et il n'y a personne qui est autour, qui est au courant, qui peut lui donner cette information-là. Dans ce cas-là, il sera excusé. Mais le cas de la personne qui ne peut pas être excusée de son ignorance, c'est celui qui est volontairement ignorant. Dans le sens que toutes les choses sont disponibles, la connaissance est disponible, toutes les choses sont à portée de la main. Et il peut apprendre et il peut chercher à savoir s'il veut, mais il fait volontairement preuve d'ignorance parce qu'il néglige la quête du savoir. Et il ne va pas aller se renseigner, il ne va pas aller poser la question, il ne va pas aller demander. Alors là, dans ce cas-là, oui, il ne sera pas excusé de son ignorance dans ce cas-là. Parce que il n'a pas d'excuse d'être ignorant de ça. C'est ça, il n'a pas fait d'effort du tout pour savoir. Donc c'est ça la nuance en fait à propos de cette question-là. Et le cheikh il explique que une fois que la personne elle a décidé comme elle va reprendre sa femme, elle va refaire un nouveau mariage. Donc ça c'est lorsqu'il l'a reprise pendant la idda. Non, après, pardon. Donc lorsqu'il a divorcé la femme et que la idda est finie, alors là il peut plus la reprendre, il doit faire un nouveau mariage avec le wali, les deux témoins, hein, le mahr et ainsi de suite. Et ça c'est basé sur la preuve du verset 228 dans sourate al-Baqarah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalik. Donc si il l'a reprise pendant la idda, ça c'est correct, mais une fois que la idda est terminée, ça veut dire il n'a plus le droit de la reprendre excepté avec un nouveau contrat de mariage et selon les conditions, hein, du mariage. Et il dit فَإِذَا رَجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ, s'il l'a reprise dans la idda et qu'il l'a reprise d'une manière qui est correcte et qui respecte les conditions de raja, eh bien dans ce cas-là il ne va lui rester de divorce que le nombre qui lui reste. Donc s'il l'a divorcé une fois et qu'il l'a reprise, eh bien il va lui rester, hein, deux. Ensuite le cheikh il dit wa idha stawfa ma yamliku min at-talaq harumat alayhi hatta yata'aha zawjun ghayra bi nikah sahih fayashtarit li hilha lil awwal thalathat shurut أن تنكح زوجا غيره وأن يكون النكاح صحيحا وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. Donc ici le cheikh dit donc une fois que l'homme il a dépassé le nombre des divorces qu'il lui reste, il a divorcé trois fois, eh bien elle devient interdite pour lui la femme à ce moment-là. Et il dit qu'il ne pourra jamais la remarier jusqu'à ce qu'elle se soit mariée elle-même avec un autre homme dans un mariage qui est valide, et pour que il puisse la remarier après. C'est-à-dire pour que ce soit possible pour lui de la remarier après cet homme-là, eh bien, il faut que le mariage qu'elle a fait avec l'autre homme, le deuxième homme, soit en accord avec trois conditions. Son deuxième mariage, son mariage après que l'homme il l'ait divorcé trois fois, le deuxième mariage qu'elle va faire ou le mariage qu'elle va faire avec l'autre homme doit respecter trois conditions. La première condition, c'est que, bon, elle, premièrement, c'est qu'elle marie un autre homme que lui. Donc, il ne faut pas que ce soit lui, parce que lui, il n'a plus le droit de la marier tout de suite, maintenant, puisqu'il l'a divorcé trois fois. La deuxième condition, c'est qu'il faut que le mariage soit un mariage qui est valide. Hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un faux mariage. Peut-être qu'il y a des gens, ils vont dire, marie-toi avec ma femme, comme ça, juste hein, un mariage symbolique, mais tu ne vas pas la toucher. Exactement. Al-Muhallil, ils appellent ça Al-Muhallil. Et ça, Nikah al-Tahlil, et ça c'est interdit. Et il a dit, et troisième condition, il faut qu'il ait un rapport sexuel avec elle dans ses parties intimes. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une pénétration. Sinon, ça ne va pas compter. Et c'est pour ça qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je me rappelle qu'il y avait un sahabi qui avait demandé à un autre d'épouser sa femme. Il savait que cet homme-là, il avait, qu'il était impuissant. Donc il a dit, marie ma femme, et puis après tu vas la divorcer, puis je vais la reprendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, jusqu'à ce qu'il goûte son petit miel et elle goûte son petit miel. Hein? Hatta tazouqi min usaylatahu wa yazouqu usaylataha. Et c'est pour ça que les ulamas, ils ont dit, une des conditions, il faut qu'il ait une érection. L'homme, il faut qu'il ait qu'il soit capable d'avoir une érection pour avoir les rapports avec la femme. Sinon, ça ne va pas compter. Et il cite le verset 230 dans Sourate Al-Baqarah, qui parle de ce sujet-là. 230... Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il parle de cette question. Il dit, s'il divorce avec elle la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, c'est-à-dire en refaisant un nouveau mariage, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous les deux se conformer aux ordres d'Allah. Donc ça c'est le verset. Ensuite le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim à ce sujet-là qui résume le sujet. Il dit wa ibahatuha lahu ba'da zawjin min a'zam an-ni'am wa ja'at shari'atu at-Tawrah bi ibahatiha lahu ba'da at-talaqi ma lam tatazawwaj. Thumma ja'at shari'atu al-Injil بالمنع من الطلاق البتة وشريعتنا أكمل وأقوم من بمصالح العباد فأباح له أربعا وأن يتسر بما شاء وملكه أن يفارقها فإن طاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها ممكنا فإذا طلقها الثالثة لم يبق له عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثان رغبة انتهى كلامه أي لا بد أن يكون نكاح الثاني لها رغبة فيها لا نكاح حيلة يقصد به تحليلها للأول وإلا كان تيسا مستعارا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ونكاحه باطل ولا تحل به للأول والله أعلم. Donc le cheikh il explique que, en tout cas l'imam Ibn al-Qayyim il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a permis au mari de reprendre sa femme une fois qu'il l'a divorcé et il dit tandis que la sharia il a permis à l'homme, il dit dans la Torah, il a permis à l'homme de prendre sa femme après l'avoir divorcée tant qu'elle ne s'est pas remariée. Et il dit, et la charia de l'Injil, l'Évangile, elle interdit complètement le divorce. Tandis que notre charia est plus complète, plus parfaite et plus en accord avec les intérêts des hommes. Elle permet à l'homme d'avoir 4 femmes. Donc déjà ça c'est de 1. Deuxièmement, elle permet de prendre le nombre qu'il veut d'esclaves, s'il est capable, et si c'est possible. Et il lui a donné la possibilité de les divorcer, hein, si il n'est pas capable de la supporter. Puis, il a la possibilité de la reprendre, hein, une fois qu'il a prononcé le divorce. Et une fois qu'il a divorcé 3 fois, eh bien, il n'aura plus de moyen de la reprendre, excepté après qu'elle se soit remariée avec un autre homme avec désir. C'est-à-dire qu'elle ait vraiment voulu se remarier avec un autre homme et que ce mariage-là ait été désiré. Et le cheikh Al-Fawzan, il termine ce chapitre en disant que donc la femme, quand elle se remarie la deuxième fois après son mari, quand elle se remarie avec un autre homme, eh bien il faut que ce soit parce qu'elle désire ça et non pas pour juste se rendre halal à son premier mari. Sinon cet homme-là avec qui elle se marie pour se rendre halal à son premier mari, c'est comme on appelle tais musta'ar, c'est comme un genre de les animaux qu'on a prêtés pour, comment on dit, c'est comme un tais, c'est le bouc, le bélier, hein, un bélier qu'on a emprunté à quelqu'un, oui, c'est ça, pour la procréation, c'est ça. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé l'homme qui donne sa femme à un autre homme pour qu'il la rende halal, comme si c'était un tais musta'ar. C'est une comparaison qu'il a donnée comme ça. Puis il a dit que ce mariage-là sera batil, sera même pas valide, et donc elle sera pas plus licite au premier en ayant utilisé ce genre de ruse-là. Elle ne redeviendra pas licite au premier, même si elle fait ça. Donc ça, c'est qu'est-ce qui vient conclure le chapitre de Ar-Raj'a. Et donc ça c'est pour aujourd'hui. Le chapitre suivant c'est Ahkam al-Ila, et l'autre chapitre qui suit après c'est Ahkam al-Zihar, et l'autre après c'est Ahkam al-Li'an, donc Ahkam al-Huq al-Nasab wa Adam al-Huqihi wa Ahkam al-Idda. Donc Ahkam al-Idda, il y a un chapitre, c'est ça. Parce que des fois, les frères, ils posent des questions sur la idda, et il faut savoir qu'il y a différentes sortes de idda selon le cas. Soit la femme qui est divorcée, la femme qui est divorcée 3 fois, la femme qui est divorcée qui a pas ses règles, la femme qui est divorcée qui est ménopausée, la femme qui est divorcée qui son mari est mort, la femme qui est pas divorcée mais que son mari est mort, elle est veuve. Donc sa idda c'est quoi? Tout ça, chacun, la femme dont est divorcée puis qu'elle est enceinte, chacun ils ont une idda spécifique. Et ça c'est pour ça que c'est important de connaître les règles à ce sujet-là. Et le cheikh il a mis un chapitre sur ce sujet-là en particulier. Donc on voit comment les fuqaha, alhamdulillah, ils ont bien diviser les sujets, bien clarifier les questions, chaque question dans un chapitre séparé, et même s'il en a parlé de façon résumée dans un chapitre, eh ben il en parle en plus en détail par la suite, comme aujourd'hui Ar-Raj'a. On avait déjà parlé de Ar-Raj'a dans les chapitres précédents, sauf que ce chapitre-là, il a vraiment plus élaboré les détails, hein. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inchallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.